Les incroyables voyages de Sindbad, seconde partie. Tac! Tac! Hey, attends-moi! Je vole, Tic! Si je t'attends, je tombe! Et pourquoi tu respires aussi fort? Prends ton temps, respire, sens l'air dans tes cheveux, vogue avec le vent. Oui, mais je n'ai pas de cheveux. Ma femme m'a demandé de les couper. Elle dit que sinon je ressemble à un aigle. Tu le crois, ça? Elle m'a traité d'aigle, tu te rends compte? J'aimerais avoir des cheveux comme les tiens, tu sais. Ces trois bandes que tu as là changent tout ton look. Ah oui, je sais. J'utilise du sérum pour les garder en forme. Ces humains en gaspillent pas mal, il en reste souvent dans le fond des bouteilles qu'ils jettent. Vraiment? Bien sûr. Comment crois-tu que tous les oiseaux ont des plumes toutes douces? Et comment penses-tu que le roc a rendu le marchand riche? Je suis sûr que le sérum a quelque chose à voir avec l'épaisseur de ses plumes. Le roc? Une pierre? Une pierre a rendu un marchand riche? Pas pierre, roc. Roc. Mais tu ne connais pas cette histoire ou tu la connais? Ah, je ne suis pas surpris. Ah, car elle fait aussi partie de la série des voyages de Sindbad. Sindbad? Raconte-moi. Allons voir le pot magique. Oh, oh, clair et bleu, montre-nous tout ce qui s'est perdu en toi. Après son premier voyage, Sindbad s'était construit une maison pour lui à Bagdad. Il était heureux là-bas, mais très vite, il avait eu très envie de retourner en mer. Il voulait vendre plus de choses et gagner plus d'argent pour pouvoir vivre une vie meilleure et pouvoir aider les petites gens de Bagdad. Sindbad décida alors de remettre les voiles. Le père de Sindbad avait un vieil ami qui portait le nom de Kabir. Oh, Sindbad, viens, viens! Ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vu! Oui, mon oncle, ça fait bien longtemps, en effet. Je ne t'ai pas vu prendre la mer depuis plusieurs mois. As-tu des marchandises que tu pourrais me laisser vendre dans d'autres ports? De cette façon, tes affaires pourraient continuer. Et je pourrais aussi gagner un peu plus d'argent. Je suis désolé, Sindbad. J'aurais aimé pouvoir t'aider, mais je n'ai pas de marchandises à vendre. J'ai déjà tout donné à quelqu'un d'autre. Il n'est pas de Bagdad. Tu ne le connais pas. Personne ne le connaît, en fait. Bon, j'ai des choses à faire. Finis de te préparer. Bon voyage. Sois prudent. Pourquoi mon oncle était-il si pressé? Et pourquoi a-t-il donné toutes ses marchandises à quelqu'un qui n'est même pas de Bagdad? C'est bizarre. Le lendemain, Sindbad prit la mer avec ses propres marchandises pour les vendre dans d'autres ports. Les jours passèrent et Sindbad se fit plein d'amis sur le bateau. Un monstre à un œil? Le vieil homme des mers? Ce sont toutes des histoires, hein? Tu y crois vraiment, toi? Cette mer est remplie de mystères, mon ami. Avant de te rencontrer, je ne pouvais pas croire qu'une forêt pouvait pousser sur le dos d'une baleine. Oh oui, maintenant je vois ce que tu veux dire. Espérons que nous resterons à l'abri de toutes ces choses mystérieuses. Mais le destin avait d'autres plans. Bientôt, le bateau amarra sur une île. Oh, terre! Reposons-nous ici un moment. La traversée va être longue après ça. Quel bel endroit! Je dois faire attention de ne pas m'enfoncer trop loin dans la forêt cette fois. Je ne veux pas qu'on m'oublie comme la dernière fois. Oh, C'est tellement dur de se reposer en mer. Je vais faire un petit somme ici. Oh, quel bel endroit! On doit vraiment toujours parler? Reste un peu silencieux. Où sont-ils passés? Quoi? Mais où est le bateau? Que s'est-il passé? Hello? Il y a quelqu'un ici? Non, ils m'ont laissé. Comment ont-ils pu? Je fais quoi, moi, maintenant? Attends, ce n'est pas si terrible. Je suis sûr qu'un bateau va aussi passer par cette île. Je vais grimper à un arbre pour avoir une meilleure vue. Les heures passèrent, mais aucun bateau à l'horizon. Sinbad finit par être fatigué. Ah, la prochaine fois que je prends la mer, je m'assurerai de carrément m'attacher au bateau. Ah, les ancres aussi sont attachées au bateau. Avec la chance que j'ai, mes hommes risqueraient de me balancer au lieu de jeter l'ancre. Ah, mais tout ça n'arrivera que si je rentre d'abord chez moi. Ah, Bagdad me manque tellement. Je n'aurais jamais dû partir. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, on dirait un rocher blanc géant. C'est bizarre. Ce roc est vraiment bien poli et mou. Oh, il fait déjà nuit. Ah, qu'est-ce que c'est? Il ne fait pas nuit. C'est l'ombre de cet oiseau. C'est l'œuf de l'oiseau géant. Oh, si seulement je pouvais demander à cet oiseau géant de me ramener à Bagdad. Attends, j'ai une idée. C'est risqué, mais c'est ma seule chance de quitter cette île. Sinbad enleva son turban et s'attacha à la patte de l'oiseau. Et hop, l'oiseau s'envola. Oh, j'ai mal à la tête. Aïe, pitié, oiseau géant, descends quelque part. Ah non, je retire ce que j'ai dit. Ne descends pas, ne descends pas. Oh, je vais être malade. Oh. Heureusement, l'oiseau atterrit avant que Sinbad ne s'évanouisse. Oh, ma tête. Non, non, non. Aïe, mon dos. C'est sombre ici. Waouh, je dois être profond sous terre. Comment remonter? Hey, je vois de la lumière. Qu'est-ce que c'est? Un serpent! Un serpent! Si gros! Ah! Oh, je n'ai jamais vu de si gros serpent de toute ma vie! Quoi? Oh non! C'est donc comme ça que je vais mourir? Attends, pourquoi les serpents ne sortent pas? Oh, bien sûr! Ils ont peur de l'oiseau! Heureusement qu'ils sont partis! Pfiouf! Oh, quoi encore? Incroyable! Des rubis! Des diamants! Mais c'est quoi cet endroit? Comme Sinbad était un marchand, il savait très bien combien ces pierres précieuses valaient cher. Sa vie pourrait complètement changer grâce à ces pierres. Mais hélas, je dépense toujours tout mon argent dans des choses inutiles. Voilà le truc. Je suis entouré des rubis les plus chers du monde, et pourtant je suis toujours pauvre. L'argent est inutile pour moi maintenant. Mais pourquoi ça sent la viande ici? Et d'où est-ce que ça vient? C'est de la viande? Oui, c'est de la viande! Ah! Pourquoi cet oiseau ne s'arrête-t-il pas de griller un peu? Ah! Phew! Qu'est-ce qu'il cherche? Attends, il cherche la viande? Bien sûr! Il veut nourrir de viande ses enfants qui sont perchés là-haut. Mais il peut aussi manger de la viande ici. Peu importe, je ne peux pas laisser passer cette opportunité. Sinbad était un marchand intelligent. Et un homme très, très courageux. Il ramassa autant de pierres que possible et les déposa au fond de ses poches. Il garda avec lui la plus grosse des pierres. Il déplaça ensuite le roc et mit en évidence la viande pour l'oiseau. Il savait qu'il prenait le risque d'être mangé par l'oiseau en même temps que le bout de viande. Mais pourtant, il s'attacha quand même au morceau de viande et s'en remit à son destin. Ouais, j'avais raison! Il apporte le gros morceau de viande à ses enfants! Ce qui veut dire... Laissez-moi! Laissez-moi! Sinbad, mais que fais-tu ici? Oncle Kabir? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Moi? Et qu'est-ce que tu essayais d'attraper dans le nid? Ok, je te dis tout. J'essayais d'attraper les rubis. Les rubis? Oui, c'est comme ça que je suis devenu riche et que je le suis resté. Je jette la viande pour l'oiseau dans le fossé où il y a tous les rubis et les diamants. À chaque fois qu'il attrape de la viande, il attrape toujours quelques rubis avec. Ensuite, il lâche la viande dans le nid de ses bébés. Et je récupère les rubis quand il retourne chercher plus de viande. Je sais que c'est terrible de ma part. Oh, s'il te plaît, ne me déteste pas. Te détester? Tu m'as sauvé la vie. Je pensais mourir ici. Mais il faut que tu arrêtes de faire ça. C'est très dangereux. Tiens, j'ai quelques rubis et quelques diamants sur moi. Je veux te les donner pour m'avoir sauvé la vie. Prends-en autant que tu veux. Tu n'auras plus à risquer ta vie désormais. Kabir n'avait jamais vu de rubis aussi gros de toute sa vie. Oh, tu es un homme bon, Sinbad. Je vais en prendre un seul. Tu gardes le reste. C'est largement suffisant pour que je vive de façon prospère pour le reste de ma vie. Merci, mon garçon. Rentrons à la maison maintenant. Tu dois me raconter toute ton histoire. Comment as-tu atterri ici, toi? Oh, eh bien, en fait... Et ainsi, une fois de plus, Sinbad retourna à Bagdad sain et sauf. Wow! Mais qui est ce roc, alors? L'oiseau, Tik! L'oiseau! Oh! Comment je pourrais savoir? Tu ne me l'as jamais dit clairement. Oui, c'est ma faute. Comment ça se fait que le morceau de viande était si gros? Ce n'était pas un morceau de viande ordinaire. Mais gardons ça pour la prochaine fois. On y va maintenant. Tik! Oui, j'arrive.